Mozart, Capitaine Jackson. Numéro 10. Voilà. Double bang, numéro 10. Fini d'une Zidane, Diego Maradona. Vu qu'à continuer, elle me dit de continuer. Mais c'est le dernier épisode de la série. On vend la moula, moula, moula dehors. Tichon, Dior, ça fout là, elle adore. C'est tellement la hure, bien sûr qu'ils adhèrent. Grandir à la dure, vodka dans le biberon. Tu vaux pas un roux, mais tu te prends pour Pablo. Je dis son queblo, je suis en bas du queblo. Comme la princesse, le bédo dans le bendo. C'est des grosses traceuses, mais elles font les princesses. Je dis, je suis précis comme Rando à Chirac. Le on les chope, on les shoot, on les chope. T'as de la chatte si je t'ai loupé, mon pote. Je fume un con qui me tape le crâne. Quand je scène, c'est l'argent qui me soigne. Prends le sac et tu fais ça en tête. Côté obscur de la force Anakin. J'opère, cagoulé comme Kalash Krimi. On a trop trimé, on va les trop mal. On a les queues qui font tout tout. On les éteint après, on va prier. Voilà pour briller, j'encaisse les billes. C'est le ghetto en TN, les crachats dans les halls, les bonbonnes qui descendent. La bœuf qui fait tousser, les rafales en été, les flocons en dété. Point devant ta midi, le guetteur qui crie à la vue d'une patrouille. On est shark, shark, au pinel, je doute, si ça part en couille. Je viens du futur comme drunk, j'ai les gros, tu le sens quand je rappe. On fait les choses, on les dit hop. C'est Mozart, Capitaine Jackson, fight. Ennemi, coup de feu, pas de faille. On est jeune et ambitieux, le vrai TC, elle aime trop ça. J'ai pas besoin de ta ce fort, j'suis dans ta rue, j'éteins l'effort. Fallait pas le gifler pour le détail, il se met sous flash, il revient en moto pour t'éteindre. La violence est gratuite, ici, ici, ou peut-être pour quelques yippies. Coup de crosse dans ta tronche, bénéfice que l'on mange, tu m'attaques, je me venge. On est hal, jour et nuit, le bloc, c'est nos vies, rien ne bouge, rien ne change. Ils sont tous mignons, ils nous font les Tony Montana. Deux balles, tu te manges deux balles, ta mort aux deux balles, espèce de trou de balle, deux balles. Ici on zone, on vit, on dit, on veut pas manger. Dis-moi comment on fait, dis-moi comment on fait.